Bah, sans transition, du coup, on va enchaîner avec la révolution allemande. Du coup, Jules va parler pendant 50 minutes. Et après, la discussion va durer 70 minutes en tout, mais il y aura une pause. On verra à quel moment on la fera. Donc, je laisse la parole à Jules. Camarade, je vais essayer de tenir la promesse que Caspar vous a faite, c'est-à-dire de mettre dans cet exposé une version comprimée mais complète de tous les événements de la Révolution allemande. Sauf que, par manque de temps, je ne pourrais pas traiter toute la période de la Révolution allemande. Donc on s'arrêtera un peu avant la fin. On s'arrêtera en 1920. En fait, j'expliquerai pourquoi dans le cours de l'exposé. Mais ce qui est toujours intéressant quand on commence à aborder cette question, c'est le décalage énorme qui existe entre le poids historique réel de cet événement, qui en fait, pour le dire simplement, a conditionné l'entièreté de l'histoire du XXe siècle. L'échec de la Révolution allemande marque le renforcement, enfin débouche sur le renforcement du stalinisme en Russie soviétique, débouche sur la prise du pouvoir à assez courte échéance par le fascisme en Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale. Tout le déroulement en fait du XXe siècle est marqué par l'échec de la Révolution allemande de 1918-1923. Et pourtant, c'est un événement qui est... On a tendance à dire souvent que la bourgeoisie minore ou met de côté certains événements. La Révolution allemande est un événement qui est quasiment nié. Dans les commémorations pour le centenaire de la fin de la guerre cette année, on nous a parlé des poilus, de Verdun, de la Somme, de tout ça. La Révolution allemande, qui pourtant a contribué à accélérer la fin de la guerre, a contribué à donner à la fin de la guerre, à faire que la fin de la guerre se passe telle qu'elle s'est passée, cet événement était absent, complètement absent des commémorations, pour une raison simple, c'est que la bourgeoisie ne veut pas qu'on se rappelle que c'est la classe ouvrière, en se soulevant, qui a mis fin au carnage impérialiste de 14-18 et qui a mis fin à ce que la bourgeoisie elle-même avait fait, enfin à l'horreur que la bourgeoisie elle-même avait répandue sur l'Europe. Pour les révolutionnaires russes qui avaient pris le pouvoir en novembre 1917, la Révolution allemande et l'Allemagne, en fait, étaient la clé de la situation politique. C'était l'Allemagne, c'était la Révolution allemande qui devait mettre fin à l'isolement de la Russie soviétique, qui devait être le point de départ de l'internationalisation de la Révolution russe, le début, en fait, de la Révolution mondiale. Et lorsqu'un an après la Révolution russe d'octobre, les soldats mutinés, les marins et les ouvriers allemands fondent des conseils, renversent le Kaiser Guillaume et proclame la République, il peut sembler que c'est à portée de main, que le socialisme, que la révolution mondiale vient de commencer et vient de que cette nouvelle étape de l'histoire de l'humanité est en train de débuter. 6 mois plus tard, les principaux chefs révolutionnaires ont été assassinés. Des groupes armés monarchistes aux ordres du gouvernement social-démocrate pourchassent les grévistes et les ouvriers insurgés de la Ruhr et de Bavière, et les conseils ouvriers ont été dépouillés du peu de pouvoir qui leur restait de la révolution de novembre. Et pour comprendre en fait cet échec, pour comprendre pourquoi la situation a débouché sur cela, il faut revenir quelques années en arrière. On pourrait revenir en fait à la naissance du mouvement ouvrier allemand, mais on m'a parlé tout à l'heure de compresser et de gagner du temps, donc je ne vais pas le faire. Mais en fait, on peut revenir, pour simplifier, à l'effondrement de la Deuxième Internationale en août 1914. Puisque lorsque les députés sociaux-démocrates votent les crédits de guerre en août 1914, et donc se rallient à leur bourgeoisie nationale, se rallient au soutien de leur impérialisme, c'est un événement qui est un choc pour le socialisme, pour le mouvement socialiste international. On a cette anecdote qui circule beaucoup, enfin qui est très connue, que Lénine lui-même ne croyait pas à la réalité lorsqu'il a reçu le numéro du Vorwärts, donc du journal du Parti social-démocrate allemand, qui annonçait le vote des crédits de guerre. Lénine n'y a pas cru et pensait que ce numéro du journal était un faux forgé par l'état-major allemand pour diviser le mouvement socialiste international. Parce que le mouvement socialiste allemand, le Parti social-démocrate, était à ce moment-là le phare de la Deuxième Internationale. C'était le parti le plus nombreux en termes d'adhérents, 1 million d'adhérents, presque le tiers de l'électorat, un électorat qui augmentait à chaque élection, dont les théoriciens Kautsky et principalement Kautsky étaient considérés comme les théoriciens meneurs de la deuxième internationale, les garants de l'orthodoxie marxiste dans l'internationale, et cette social-démocratie était un modèle pour toute la deuxième internationale et tous les partis qui se réclamaient alors du marxisme. Lénine disait que les bolcheviks étaient la tendance Bebel-Kautsky de la social-démocratie russe. Et le choc n'en a été que plus rude lorsqu'en août 1914, le 4 août 1914, la totalité du groupe parlementaire social-démocrate, y compris Karl Liebknecht, qui était alors un des dirigeants de la gauche révolutionnaire au sein du parti, un militant plusieurs fois condamné pourtant pour antimilitarisme, qui s'était fait connaître par son opposition à la politique impérialiste de Berlin, tous votent en bloc, par discipline de parti pour les oppositionnels, mais en bloc, les crédits de guerre, et approuvent la politique de conquête impérialiste de leur gouvernement. Le choc est énorme et marque en fait, en pratique, l'effondrement de la deuxième internationale. Le soir même, dès le soir du 4 août, Rosa Luxembourg, donc la principale théoricienne de la gauche du Parti social-démocrate allemand, réunit autour d'elle à Berlin quelques-uns des militants de la gauche révolutionnaire, justement du parti, les plus connus, qui s'opposent à la politique de leur direction et qui fondent ce qui deviendra en fait, quelques temps après, la Ligue Spartacus, la Spartacus Bund. Et qui décide en fait de regrouper les militants opposés à la politique d'union sacrée de leur gouvernement. Et c'est quelque chose en fait qui est, qui se retrouve en fait dans tous les pays. Trotsky explique que lorsque la guerre a éclaté, alors qu'il était en France, enfin, il n'était pas exactement en France, mais il se retrouve très vite en France après le début de la guerre, il est parti à la recherche des révolutionnaires, une bougie à la main dans les ténèbres, puisque le ralliement de la direction des partis social-démocrates à leur gouvernement, en bloc, de façon quasi unanime dans tous les pays, a fait qu'en fait les révolutionnaires, les oppositionnels, étaient complètement isolés, puisque dans aucun de ces partis n'existait de tendance révolutionnaire centralisée, organisée avant la guerre, à l'exception bien sûr de ce qui était le cas en Russie, à l'exception des bolcheviks, en fait. Et donc, dans tous ces pays, les militants, la première tâche des militants révolutionnaires a été, en fait, de se trouver les uns les autres et de rentrer en contact les uns avec les autres. Et c'est ce que fait la Spartacus Bund lorsqu'elle se crée au soir du 4 août 1914. Elle tire, dès ce moment-là, des conclusions très avancées, notamment en identifiant clairement la trahison qui vient de se passer, donc le ralliement de la direction social-démocrate à l'impérialisme, en l'identifiant clairement, non pas comme un accident de parcours, non pas comme une déviation majeure de l'ancien programme, mais en l'identifiant très clairement comme la conséquence du réformisme qui s'était exprimé dès l'avant-guerre. C'est-à-dire que c'est le réformisme de la direction du parti qui l'a mené au ralliement à la bourgeoisie, au ralliement à la politique de l'impérialisme. Et la conclusion qui découle de cela, c'est donc qu'il ne faut pas espérer ressusciter après la guerre ou pendant la guerre la deuxième internationale telle qu'elle existait auparavant. Elle aurait subi une sorte d'accident de l'histoire et il s'agirait de la reconstruire telle qu'elle, avec le même programme, les mêmes formes d'organisation, etc. Mais qu'il s'agit bien de construire une nouvelle internationale. Il s'agit bien de construire, en fait, une troisième internationale. Et ça, c'est la conclusion qui est tirée par les révolutionnaires allemands dès le début de la guerre. Malgré tout, un problème, notamment plusieurs problèmes, restent présents dans la gauche révolutionnaire du SPD, mais le problème principal concerne la question de l'organisation. Puisque, et c'est lié aux idées de Rosa Luxembourg sur l'organisation, je n'ai pas le temps de développer trop en détail là-dessus, mais Eric fait un exposé là-dessus qui, paraît-il, sera spectaculaire, exceptionnel, je ne sais plus le terme, mais je vous renvoie donc pour tout cela à l'exposé de Eric demain. Mais il suffit de dire que Rosa Luxembourg s'opposait au fait que les révolutionnaires aient besoin d'une organisation centralisée, disciplinée, en fait d'une tendance, les regroupant et dotée d'une discipline de tendance, en fait. S'opposer à l'idée d'une centralisation des révolutionnaires. Et cette opposition avait même été encore renforcé par la crise de 2014, donc par le vote des crédits de guerre, puisque pour les militants des gauches du Parti social-démocrate allemand, pour les militants de la gauche révolutionnaire en Allemagne, la crise du 4 août était même interprétée au contraire comme une conséquence de la centralisation. Certains militants au sein de Spartacus, certains militants au sein de la gauche du SPD disaient que c'est la centralisation du Parti social-démocrate qui avait permis à la direction du Parti social-démocrate d'imposer sa trahison et de d'étouffer toute opposition. Et que donc, c'était la preuve qu'il ne fallait non pas, ce que nous on en tire comme conclusion, qu'il faut opposer une centralisation révolutionnaire à la centralisation réformiste, non, qu'il fallait se passer de toute centralisation, puisque la centralisation étouffait l'initiative des masses, étouffait l'initiative des militants, et permettait aux réformistes et à la bureaucratie d'imposer sa volonté. Et donc Spartacus, pendant toute son existence, va rester une sorte de boîte aux lettres, en fait. Un réseau de correspondance et d'échanges qui organise la communication entre les révolutionnaires, qui organise la publication de textes, notamment avec des journaux, d'abord The International à partir, je dis pas de bêtises, à partir d'avril 1915, mais il est très vite interdit, puis les Spartacus Briefe, les lettres de Spartacus. Mais à part cela, Spartacus ne sera jamais une organisation centralisée, structurée, organisée. C'est pas une tendance formelle, en fait. C'est un réseau informel, on pourrait presque dire gazeux, on pourrait par analogie avec l'actualité, mais ça reste quelque chose de cet ordre-là. Il ne s'agit pas pour eux de construire un parti révolutionnaire au sein du parti de masse. Malgré tout, eh bien, ils touchent un public assez large, ils ont une audience assez large. Déjà, je parlais tout à l'heure des Spartacus Briefe, donc des lettres de Spartacus, qui est leur bulletin, on pourrait dire, plus ou moins régulier, puisqu'il est publié de façon clandestine. Il tire à 30 000 exemplaires, et il diffuse des textes extrêmement importants et intéressants, notamment un très bon texte, La crise de la social-démocratie, de Rosa Luxembourg, qui est une très bonne analyse de l'effondrement de la social-démocratie allemande et internationale en août 1914. Mais aussi, un des éléments qui fait leur audience, c'est leur participation, les interventions de leurs militants, de leurs porte-parole. Et l'acte qui a le plus marqué la résurgence, on pourrait dire, de l'aile révolutionnaire du socialisme international, le premier acte, en fait, de cette réapparition publique, c'est le refus de Liebknecht, de Karl Liebknecht, de voter les crédits de guerre au Reichstag, lorsque ceux-ci ont dû être renouvelés en décembre 1914. Seul député de tout le Reichstag, il vote contre les crédits de guerre, et cet acte a eu, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais a eu un retentissement énorme, international. On en parle, en fait, les récits de soldats socialistes français mobilisés montrent, en fait, cet épisode était connu dans les tranchées françaises, et approuvé favorablement, et approuvé dans les tranchées françaises. Même ça a eu un impact international. Bon, une foule de raisons, je n'ai pas le temps de m'étendre dessus, mais ça montrait que le front uni qu'essayaient de présenter les réformistes et les sociaux chauvins ralliés à leur gouvernement n'était pas uni et qu'il pouvait être brisé et qu'il venait d'être brisé, en fait. C'est cet acte, c'est la conférence de Zimmerwald de quelques mois ensuite qui vont montrer, justement, qu'il existe une opposition révolutionnaire à la politique de guerre des directions réformistes et qu'il est possible de s'y opposer. Les conséquences immédiates pour les dirigeants de Spartacus sont assez nettes. Liebknecht est déchu de son mandat de député, mobilisé dans la réserve, puis arrêté après avoir organisé une manifestation en uniforme de réserviste à Berlin. Rosa Luxembourg est arrêtée elle aussi, et en fait tous deux vont être coupés en pratique, même s'ils peuvent correspondre par courrier, etc., mais vont être coupés des tâches organisationnelles du mouvement pendant toute la durée de la guerre. Ils ne seront libérés qu'en novembre 1918 par la Révolution. Et dans le même temps, à partir de 1915 et encore plus à partir de 1916, apparaissent plusieurs courants d'opposition à la politique de la direction social-démocrate en Allemagne. Et je vais faire un petit inventaire, en fait, de ces différents courants parce qu'ils sont assez importants pour comprendre la suite des événements. Commence à apparaître d'abord une foule, enfin, pas caricaturée non plus, mais plusieurs petits groupes révolutionnaires qui s'opposent à la politique sociale chauvine, mais qui s'opposent, on pourrait dire, de façon, en se coupant, en fait, en décidant de rompre avec le SPD, de quitter en fait le Parti social-démocrate et de constituer des petits groupes révolutionnaires très radicaux, mais isolés et souvent coupés du mouvement de masse et qui manquent de coordination au niveau national. C'est le cas, par exemple, des groupes radicaux de Brême. C'est le cas de quelques groupes radicaux en Bavière, à Hambourg. Vous avez comme ça des petits groupes qui se constituent, mais qui sont souvent isolés les uns des autres, qui ne sont pas coordonnés, et qui défendent souvent des positions assez ultra-gauchistes, enfin assez gauchistes en matière d'organisation, en matière de tactique. Mais, et c'est un élément intéressant, mais donc, très vite en passant, qui sont par contre souvent en contact avec des groupes militants étrangers. Les groupes du nord-ouest de l'Allemagne sont ainsi directement liés au parti socialiste néerlandais de Van Cook. Les militants du sud et de Berlin sont souvent en lien avec les militants en Suisse, que ce soit la jeunesse socialiste suisse Munzenberg ou avec les militants bolcheviques exilés en Suisse à ce moment-là. Et ça commence à constituer, en fait, autour de la conférence de Zimmerwald, un réseau relativement informel de groupes révolutionnaires en Allemagne, souvent liés à la gauche de Zimmerwald. Mais tous ces groupes pèsent assez peu, en fait. C'est quelques dizaines, quelques centaines de militants au maximum dans toute l'Allemagne, et surtout qui sont coupés des organisations de masse. Puisqu'ils ont décidé, ils justifient ce choix de couper avec les organisations, qu'elles soient politiques ou syndicales, donc ils ne militent plus dans les syndicats, ils ne militent plus dans le SPD, et ils sont isolés, en fait. Par contre, à partir de la fin de 1915, apparaît un mouvement, les délégués révolutionnaires, qui s'organisent, eux, au sein d'une organisation de masse, au sein des syndicats, et qui reprend en fait une tradition qui existait avant la guerre, des hommes de confiance qui étaient nommés par le syndicat pour organiser les luttes, pour organiser les grèves, les mobilisations, qui, eux, en fait, reprennent cette forme d'organisation, mais en font une sorte de tendance informelle, enfin, structurée, mais clandestine, qui s'oppose à la politique des directions syndicales, qui se calquent en fait sur celle du SPD, qui est donc une politique elle aussi de social chauvine, de mise en pause de la lutte des classes. Et eux, même s'ils manquent d'une ligne politique claire, parce que c'est souvent des militants syndicaux, c'est souvent des militants, très peu de théoriciens dans ce, enfin très peu de publications, enfin pas de publications politiques, pas de journal, pas de tout ça, c'est une tendance syndicale, mais eux par contre organisent très vite des milliers, puis à partir de 1917, des dizaines de milliers en fait de militants. Et à la fin de la guerre, c'est probablement l'organisation révolutionnaire la plus nombreuse de toute l'Allemagne. Le problème, c'est que le fonctionnement de Spartacus, son caractère informel, le rend en fait incapable de coordonner tout cela. C'est-à-dire que toutes ces tendances, tous ces groupes révolutionnaires qui existent, Spartacus ne peut pas les relier, puisqu'en fait, il n'arrive pas, à cause de son organisation même, à se coordonner en fait lui-même en tant qu'organisation. Donc il est encore moins capable de fournir une structure organisationnelle à ces différents mouvements qui se développent donc indépendamment. À la même période, une autre tendance d'opposition se développe dans le Parti social-démocrate, que je suis obligé de développer un peu parce qu'elle va jouer un rôle assez important dans la période suivante, mais qui n'est pas une opposition révolutionnaire à la politique de la direction, qui est une opposition qu'on pourrait dire ni pacifiste, ni chauvine. C'est-à-dire que ce sont des militants, leurs deux principaux théoriciens sont Kautsky, qui était le principal théoricien, on va dire, du centre du Parti social-démocrate allemand avant la guerre, et Bernstein, qui était le principal théoricien du réformisme assumé, donc de l'aile droite du parti avant la guerre. Leur position, en fait, est assez simple. Ils s'opposent au soutien à la bourgeoisie allemande et à la guerre quand il s'agit d'une guerre offensive. Par contre, ils soutiennent le droit à la défense nationale et le droit, donc, de la bourgeoisie allemande à se défendre elle-même. Bon, c'est une position qui est assez absurde. Bon, une raison très concrète, c'est que, à la guerre, quand vous gagnez, vous attaquez. Quand vous perdez, vous vous défendez. Et si votre offensive rencontre une défaite, vous allez passer à la défensive. Et si vous gagnez, vous réussissez à vous défendre, vous allez contre-attaquer et donc passer à l'offensive. En fait, c'est impossible de baser une ligne politique cohérente sur, on va dire, la dialectique du champ de bataille ou sur les aléas de la bataille. Ça n'a pas de base politique, en fait. Donc, c'est pas possible de baser une politique là-dessus. Et plus concrètement, et de façon un peu plus politique, du point de vue français, là, pour l'impérialisme français, en 1914, se défend, puisque c'est les troupes allemandes qui ont franchi la frontière, parce que les plans de l'armée française pour franchir la frontière dans l'autre sens ont échoué, mais c'est les troupes françaises qui sont, c'est les troupes allemandes qui sont en France, l'impérialisme français se défend. Sauf que cette guerre défensive du point de vue de la France, une de ses principales, un de ses principaux buts, c'est de défendre l'empire colonial qui a été conquis de façon très offensive par l'impérialisme français pendant toutes les années qui ont précédé la guerre. Et la raison pour laquelle la France envahit, l'Allemagne envahit la France, c'est parce qu'elle n'a pas pu, elle, se mener à suffisamment de guerres de conquête coloniale dans la période qui précède. En fait, ce que cette position, ce que cette tendance Kautsky-Bernstein oublie, c'est qu'à l'époque de l'impérialisme, il n'y a plus, entre les, dans des oppositions entre États capitalistes avancés, il n'y a plus de guerre défensive ou offensive. Une guerre impérialiste est une guerre de conquête, de pillage, quel que soit le camp en lutte. Et même du point de vue de l'Allemagne. L'Allemagne, au début de la guerre, ses troupes sont à l'offensive à l'ouest, mais se défendent sur le territoire national face aux troupes russes à l'est. Est-ce que ça veut dire que la guerre pour l'Allemagne est une guerre mi-défensive, mi-offensive ? Il faudrait soutenir la moitié des crédits, mais pas l'autre moitié. C'est une position, en fait, qui n'a pas de sens. Mais qui se développe à l'échelle internationale à l'époque. C'est les mêmes idées, c'est les mêmes positions qui sont défendues, par exemple, en France, par la tendance Longuet dans la SFIO. Mais ce qu'exprime, en fait, ce courant, parce que c'est pas sans raison que c'est une tendance qui se développe à l'échelle internationale, ce qu'elle exprime, en fait, c'est que c'est une couche de la bureaucratie qui exprime de façon déformée l'opposition d'une partie de plus en plus importante de la base du parti à la politique sociale chauvine de sa direction. Parce que la direction des organisations sociales-démocrates est à ce moment-là complètement enfoncée dans la collaboration de classe. Et le SPD en est un excellent exemple. Ils n'ont pas de ministre encore à l'époque, contrairement à la SFIO, mais ils ont une politique de collaboration de classe qui est absolument éhontée. Pour les journaux du SPD, du Parti social-démocrate, la guerre n'est pas une guerre impérialiste, c'est une guerre qui est menée pour les droits de la classe ouvrière et pour le socialisme, et pour la défense de la démocratie face à la barbarie du tsarisme, puisque voyez-vous, en allant exterminer les ouvriers russes et conquérir l'Ukraine, en fait, le Kaiser Guillaume veut libérer les ouvriers russes de la tyrannie tsariste. C'est absolument évident, c'est ça qui se passait. Mais les journaux syndicaux, par exemple, à la même période, se flattent du fait que l'organisation des travailleurs pour la grève avant la guerre a entraîné les ouvriers allemands à la discipline et au sacrifice et les a donc mieux préparés à être de bons soldats pour défendre leur patrie. C'est-à-dire que vous avez là des gens sur réclamant du marxisme expliquant que le but principal qu'un des buts de la lutte de classe est de préparer les ouvriers à bien servir leur maître bourgeois lorsque la guerre impérialiste éclate. Et cette collaboration va même encore plus loin, puisque dans le courant de 1916, le Vorwärts, donc l'organe central du Parti social-démocrate, le journal du Parti social-démocrate, passe, c'est la plupart des militants qui l'animent et le produisent, passe à l'opposition dans le courant de l'année. Et la politique de la direction social-démocrate décide en fait de demander l'aide du gouvernement et de l'armée pour reprendre en main le journal. L'armée intervient, occupe les bâtiments, expulse les militants et rend ensuite les clés à la direction du parti. Et il est assez évident que quand les conflits de tendance au sein d'une organisation se règlent avec l'intervention de l'armée bourgeoise, c'est une organisation qui ne peut pas continuer à fonctionner comme ça très longtemps. Et c'est la direction du Parti social-démocrate qui, à la fin de l'année 1916, prend l'initiative de la rupture. Et qui scissionne le SPD en excluant à la fois, en fait, toutes les oppositions. À la fois Spartacus, à la fois les délégués révolutionnaires, Kautsky, Bernstein, tous sont exclus et tous se regroupent en avril 1917 dans un nouveau parti, le Parti social-démocrate indépendant. On ne prononcerait pas le nom en allemand parce que ça serait horrible, mais qui sont rejoints par des milliers de travailleurs. Sur les 300 000 que compte à ce moment, les 300 000 membres que compte à ce moment-là le Parti social-démocrate, près de 120 000 passent à l'USPD, donc au Parti social-démocrate indépendant, qui devient en fait numériquement aussi nombreux, aussi important que le Parti social-démocrate officiel, qu'on appelle majoritaire à partir de ce moment-là. Mais un des éléments qui a beaucoup pesé dans cette évolution, c'est l'impact de la Révolution russe. Je reviendrai dans quelques instants dessus, mais ça a eu un impact évident sur la radicalisation de la base du parti, la Révolution de février 1917. Mais la première chose qu'on peut noter, c'est qu'en fait, le fait que ce soit la direction réformiste du SPD qui ait pris l'initiative de la rupture montre là encore par contraste, les faiblesses, en fait, de l'opposition interne, qui, elle-même, incapable de s'organiser, reste, comment dire, est dépendante, en fait, des initiatives prises par la direction. Par contre, l'USPD reste une organisation, comment dire, est une, se revendique, en fait, n'est pas une organisation qui se veut révolutionnaire, mais se revendique, en fait, le prolongement, en quelque sorte, la résurrection du Parti social-démocrate de 1914. C'est-à-dire que le programme qui est adopté est le même programme que celui d'avant 14. Les buts du parti sont les mêmes, la tactique parlementaire reste la même, et officiellement, l'USPD est juste l'ancien parti épuré des éléments qui se sont éloignés de la méthode correcte de construction de la social-démocratie. Et en son sein, la Ligue Spartacus reste une organisation informelle, qui ne s'organise pas en tendance, et qui laisse en fait la direction Kautsky-Bernstein être la seule forme organisée au sein de l'USPD. Mais le parti se développe de plus en plus, enfin, le parti se développe de façon très importante, et ce d'autant plus, je le disais tout à l'heure, que la révolution russe de février a donné un coup de fouet énorme au mouvement ouvrier à l'échelle internationale et particulièrement en Allemagne. Un exemple assez anecdotique de cela, c'est qu'à partir de la signature de la paix de Brest-Litovsk, vous avez une plainte qui revient régulièrement dans les rapports internes de l'armée allemande, qui sont le fait que les trains de soldats permissionnaires revenant de l'Est rentrent en Allemagne couverts de drapeaux rouges, avec des soldats qui chantent l'international et qui ont les poches farcies de brochures et de tracts révolutionnaires que des délégués bolcheviques distribuent par-dessus la ligne de front, et des délégués bolcheviques souvent allemands d'ailleurs, souvent prisonniers de guerre allemands ralliés au communisme en Russie. Et toute cette propagande, toutes ces idées révolutionnaires en fait sont introduites en Allemagne par-dessus la ligne de front, par ces soldats qui rentrent, aussi par les envoyés même du parti bolchevique à Berlin, qui subventionne, à partir de la prise du pouvoir des bolcheviques en octobre 17, qui subventionne le mouvement révolutionnaire allemand, qui aide les militants emprisonnés, qui aide en fait à la construction du mouvement révolutionnaire en Allemagne. Un autre impact que ça a, c'est aussi la multiplication des vagues de grèves. À partir de la fin de 1917 et surtout du début de 1918, on a une courbe montante du nombre de grèves et du nombre de mobilisations de classe en Autriche et en Allemagne, qui est très importante, pour le dire simplement. Et on a aussi, autre élément à noter, l'apparition d'organisations, on pourrait dire, révolutionnaires quasiment spontanées au sein de l'armée. À l'été 1917, et surtout à partir du printemps 1918, se constituent dans la flotte de guerre allemande des organisations de marins révolutionnaires qui se coordonnent quasiment sans lien avec les organisations révolutionnaires extérieures, à part quelques liens indirects avec les délégués révolutionnaires, puisque c'est souvent des militants syndiqués mobilisés, mais qui se coordonnent et dont le but est de se mutiner pour faire la révolution et mettre fin à la guerre par la révolution. Et la répression de l'armée allemande n'arrive pas en fait à empêcher ces mouvements de se développer. Et ceci d'autant moins que la guerre évolue, malgré la paix de Brest-Litovsk imposée à la Russie soviétique, évolue très mal pour l'Allemagne. En octobre 1918, début de l'automne 1918, en fait, l'Empire ottoman est en train de s'effondrer. Donc l'Autriche est en train de s'effondrer. Donc les deux principaux alliés de l'Allemagne impériale sont en train de sortir de la guerre, chacun de leur côté, en négociant la paix la plus favorable. La Bulgarie vient de capituler. Et en fait, ces soldats sont mutinés et ont renversé leur tsar et sont en train d'essayer de signer la paix de leur côté avec les alliés. Les grandes offensives du printemps ont été un échec. En fait, l'armée allemande est en repli sur tous les fronts. Et il est évident que la guerre est perdue. Et c'est le moment que choisit l'état-major, qui avait confisqué le pouvoir aux civils en août 1914, pour rendre le pouvoir aux civils, charge à eux de négocier la paix dans les meilleures conditions avec la situation militaire catastrophique que leur laisse l'état-major. Et pour assurer les meilleures conditions de cette mission, le gouvernement, qui ne se sent pas très solide, parce que la guerre est perdue, il n'a rien fait pendant 4 ans, et là, d'un seul coup, il est chargé de négocier une paix qui s'annonce relativement catastrophique, décide, pour avoir l'assise la plus large possible, de faire rentrer, pour la première fois, des sociaux-démocrates au gouvernement. Et donc, c'est dans ce gouvernement Max de Bade, qui sera le dernier gouvernement impérial de l'Allemagne, que pour la première fois, des sociaux-démocrates majoritaires deviennent ministres. Et rentrent donc, pour la première fois, au sein du pouvoir. Mais en fait, tous ces plans de conclusion d'une paix entre l'Allemagne impériale et les puissances de l'Entente vont être complètement balayés par un événement. Cet événement, il débute dans la flotte de guerre. Puisqu'en fait, les commandants de la marine allemande sont pas très satisfaits de l'état de la guerre et pensent que la paix pourrait être mieux négociée si ils arrivaient à une dernière action d'éclat, un dernier baroud d'honneur. Et donc, ils décident à la fin octobre 1918 de faire sortir toute la flotte des ports de guerre et d'aller attaquer la Royal Navy dans ses ports en Angleterre. Quel que soit le résultat, au pire, ce sera pour la gloire et au mieux, ça permettra de négocier dans de meilleures conditions. Sauf que les marins, le fait d'aller mourir dans les eaux froides de la mer du Nord alors que la paix, elle est en vue, c'est pas une perspective qui leur apparaît très enthousiasmante. Et la veille du départ de la flotte, les marins se mutinent, forment des conseils, le mouvement se répand dans quasiment tous les ports de guerre en quelques jours, passe à l'intérieur des ports, passe à l'intérieur des terres, les ouvriers forment eux aussi des conseils, les troupes de l'armée de terre refusent d'obéir à leurs officiers, et en fait, en une semaine, les conseils règnent à Berlin, et le Kaiser Guillaume s'enfuit aux Pays-Bas, abandonnant son gouvernement et son empire. Et le 9 novembre, les conseils dominent, règnent en fait, sur l'ensemble de l'Allemagne. Et le même jour, deux républiques sont proclamées. La première, par le chef du groupe parlementaire SPD au Reichstag, donc Scheidemann, qui est forcé par la foule de proclamer officiellement la déchéance de l'Empire et la fondation de la République allemande. Quelques heures plus tard, Liebknecht, sorti de prison par une manifestation, proclame la République socialiste libre d'Allemagne. Et là, en fait, dans ces deux républiques, dans ces deux programmes, puisque pour l'un, nous avons la République démocratique bourgeoise comme objectif à atteindre sur l'heure, et pour l'autre, du côté de Liebknecht, l'objectif du socialisme, l'objectif en fait d'une République de conseil, est déjà posé. Et dans ces deux proclamations, le même jour, on a déjà en fait en germe les deux programmes qui vont s'opposer pour la suite de la Révolution. Et on a en fait la guerre civile en germe dès les débuts de la Révolution. Et l'élément qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le 9 novembre, dès le lendemain de la Révolution, le Parti social-démocrate majoritaire se retrouve au pouvoir. Premier chef du gouvernement, Ebert, donc qui est un des chefs du parti. Et ça peut surprendre, parce qu'après tout, le Parti social-démocrate, il s'est compromis pendant la guerre en soutenant le gouvernement impérial, il a traqué l'opposition, soutenu la bourgeoisie, envoyé les ouvriers se faire massacrer dans les tranchées en expliquant que c'était pour le bonheur de l'humanité. Et pourtant, le jour de la Révolution, c'est lui qui se retrouve à la tête de l'État. Et bien en fait, le SPD a été discrédité par la guerre, oui, mais principalement aux yeux de l'avant-garde, principalement aux yeux de cette partie de la classe qui était active politiquement pendant la guerre. C'est une des définitions d'une révolution, que les masses qui ne participent pas à la politique, ils rentrent pour la première fois, ils participent. Et pour elles, le SPD restait en grande partie le parti traditionnel, le parti de masse de la classe ouvrière allemande. D'autant plus que USPD et SPD avaient le même programme, expliquaient avoir le même objectif et les mêmes méthodes de travail. Et dans cette confusion, c'est assez logique que ce soit le SPD qui soit retrouvé au pouvoir, parce qu'il avait pour lui l'ancienneté, le nombre, l'organisation, le petit avantage, quand vous voulez prendre le pouvoir, d'y être déjà, puisque ses ministres étaient déjà au gouvernement. Et donc, en fait, les ministres bourgeois quittant les palais les uns après les autres, à partir d'un certain temps, il n'y avait plus que des ministres social-démocrates dans les bâtiments. Ça les a aidés à prendre le pouvoir. Mais ils étaient aussi facilités par le fait qu'au début d'une révolution, c'est un processus naturel que le réformisme soit plus attractif que la révolution, qu'un programme révolutionnaire. C'est assez logique. Si vous avez une maison qui menace ruine, que vous avez quelqu'un qui vous dit la solution, on rase tout et on reconstruit, ça vous apparaîtra moins attirant que quelqu'un qui vous dit on va mettre un ou deux échafaudages et refaire du plâtre, et ça devrait tenir. Le programme réformiste apparaît plus attirant parce qu'il apparaît plus, je veux dire plus simplement, plus simple, plus pratique à mettre en place. Mais je m'attarde. le SPD, à peine arrivé au pouvoir, annonce la convocation qu'il est pour, la convocation le plus vite possible d'élections à l'Assemblée constituante, à une Assemblée constituante. Et en fait, son but, c'est de dissoudre les conseils dans le parlementarisme. Son but, en fait, c'est de remettre en place le plus vite possible une vie politique normale, d'une démocratie bourgeoise normale, pourrait-on dire. Et pour ce faire, je dois accélérer, pour ce faire, il se base sur plusieurs choses. Déjà sur le fait que dès le début de la Révolution, il est soutenu de tout son poids par l'état-major, qui représente à ce moment-là en fait la dernière force organisée sur laquelle la bourgeoisie et les classes dirigeantes allemandes peuvent compter, l'état-major de l'armée, et sur le fait aussi qu'il utilise de façon très démagogique la question de la paix, puisque le SPD, pendant toute la Révolution, enfin jusqu'à la signature du traité de Versailles, va mettre en avant l'argument que la prise du pouvoir par les spartakistes, que la poursuite de la Révolution, serait interprétée par les puissances de l'Entente comme le signe que l'Allemagne n'est pas un pays stable, avec lequel on peut conclure une paix solide, et donc que la prise du pouvoir par les révolutionnaires, que la continuation de la Révolution, signifierait la reprise de la guerre et la reprise de toutes les horreurs des quatre années précédentes. Et ça, c'est un argument qui va lourdement peser. En comparaison avec la Révolution russe, il faut se rappeler que pour les bolcheviques, l'argument de la paix était de leur côté, en quelque sorte. Alors que là, c'est les réformistes, c'est les contre-révolutionnaires qui mobilisent l'argument de la paix en disant « attention, les révolutionnaires risquent de redéclencher la guerre ». Et ça va lourdement peser dans la suite des événements. Puisque en décembre 1918, un congrès des conseils convoqué à Berlin, des conseils d'ouvriers et de soldats de toute l'Allemagne, approuve la proposition du SPD de convoquer des élections pour une assemblée constituante, qui sera donc chargée de poser les bases d'un nouveau régime, et approuve aussi la constitution d'un gouvernement permanent, le Conseil des commissaires du peuple. Donc le nom est repris directement du Conseil des commissaires du peuple de Russie. Là, on voit encore l'influence de la Révolution russe, même si le contenu est radicalement différent, mais les noms sont importés. Et ce gouvernement n'étant soumis au Conseil ouvrier qu'a posteriori. C'est-à-dire que les conseils sont réduits à ce moment-là à une mission de contrôle de l'action du gouvernement. Sauf qu'en fait, le gouvernement détient tous les moyens pour s'assurer que les conseils puissent ou non contrôler son action. Les conseils ne sont dotés d'aucune structure administrative qui leur est propre, ne sont dotés d'aucun pouvoir particulier, et doivent eux-mêmes s'arranger pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement, qui pendant ce temps-là fait tout pour ne pas pouvoir être contrôlé, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement social-démocrate reprend en fait la main, marginalise les conseils et met en avant, en fait, repousse à après les élections à l'Assemblée constituante tous les plans de réforme sociale, tous les plans de socialisation de l'industrie, tous les plans de partage des terres, de réforme agraire, etc. Et face à cela, la direction du Parti social-démocrate indépendant tégiverse, puisque au sein de ce Conseil des commissaires du peuple, la moitié des sièges sont en fait à l'USPD. La moitié des sièges sont aux sociaux-démocrates indépendants. Ils vont y rester que quelques semaines et ensuite le quitter. Mais ça montre en fait leur position. C'est-à-dire que, officiellement, le Parti social-démocrate indépendant est partisan de la socialisation de l'économie, de la poursuite de la révolution en fait sur le plan économique, mais en pratique participe avec le gouvernement social-démocrate, au moins pendant ces semaines-là, à la mise en place de structures politiques qui aident à marginaliser les conseils et donc en fait à débuter l'étouffement de la révolution. Alors que Spartacus, au sein du Parti social-démocrate indépendant, lui, défend la position que la révolution doit être poursuivie en fait jusqu'au renversement du capitalisme, à l'instauration d'une république de conseils sur le modèle de la Russie soviétique et à l'instauration du socialisme en fait. Et à ce moment-là, la direction de Spartacus, Liebknecht, Luxembourg ayant été libéré et d'autres, se retrouve en fait placée devant cette nécessité dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire devant cette nécessité pour les révolutionnaires de s'organiser pour défendre leur position de façon efficace, devant la nécessité en fait d'une organisation révolutionnaire centralisée. Et il décide de résoudre ce problème en adressant un ultimatum à la direction du Parti social-démocrate indépendant. Donc là, on est fin décembre 1918. Soit le Parti social-démocrate convoque un congrès extraordinaire sous une semaine, qui aura pour charge de revoir l'entièreté de la politique du parti et de renouveler sa direction, soit Spartacus scissionne et quitte le Parti social-démocrate indépendant. La direction du Parti social-démocrate indépendant répond que c'est pas possible d'organiser un congrès en une semaine. Spartacus scissionne et décide de créer le Parti communiste allemand, donc le KPD-S, donc Parti communiste allemand Ligue Spartacus, pour montrer l'origine de l'organisation. Ouais. En fusionnant, en fait, la Ligue Spartacus avec l'ensemble de ces petits groupes révolutionnaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Les radicaux de Brême, le groupe dit international, tous ces groupes-là fusionnent avec le Parti communiste, avec la Ligue Spartacus pour former le Parti communiste. Le problème principal, c'est que ça donne une organisation qui a une énorme majorité gauchiste, et très gauchiste. Le congrès de fondation du parti voit la majorité des délégués s'opposer à la direction sur quasiment toutes les questions importantes. Que ce soit la participation aux élections, où Rosa Luxembourg théorise, justifiait le fait de participer aux élections à l'Assemblée constituante comme une plateforme, comme plateforme politique, la majorité des délégués votent contre. Les délégués votent aussi pour la sortie des syndicats et la scission de toutes les organisations de masse qui sont contrôlées par des réformistes. S'opposent aussi à toute tentative d'avoir un parti centralisé et fonctionnant sur le principe du centralisme démocratique. Et en fait, pour le dire simplement, cette majorité de militants, la seule chose qu'ils ont retenue en fait, en quelque sorte, de la révolution russe, c'est l'insurrection d'octobre, les 8 mois qui ont précédé, pendant lesquels le parti bolchevique s'est attelé à la conquête des masses, à convaincre en fait la majorité des ouvriers qu'il fallait une deuxième révolution. Ceux-là n'ont pas intégré en fait, c'est une expérience qu'ils n'ont pas comprise. Pour eux, la seule politique révolutionnaire, c'est l'action révolutionnaire. Et tout ce qui n'est pas la mobilisation révolutionnaire immédiate est une forme est du réformisme, pour le dire simplement. Et là, on a une erreur majeure, en fait, de la Ligue Spartacus, puisque face à cela, la majorité des délégués révolutionnaires, à qui on propose donc le programme « Pas de participation aux élections », « Scission des syndicats » et « Refus d'une organisation », refusent de rejoindre le nouveau parti et restent à l'USPD, avec les dizaines de milliers de travailleurs avancés qu'ils organisent. Ce qui veut dire qu'en fait, le Parti communiste nouvellement créé se retrouve avec un programme très gauchiste et très peu de militants, en pratique. Beaucoup de têtes connues, mais très peu de militants. Et ça, c'est une erreur énorme, en fait, de la part de Spartacus. Plutôt que de scissionner de l'USPD pour créer une organisation isolée des masses, la meilleure solution aurait en fait été de rester à l'USPD, de constituer dans l'USPD une organisation centralisée révolutionnaire. De forger en fait une tendance coordonnée, sérieuse, dans le Parti social-démocrate indépendant. À ce sujet, d'ailleurs, très vite en passant, parce que je renvoie encore à Eric demain, je te donne beaucoup de choses à faire, mais Rosa Luxembourg est souvent utilisée comme un exemple de « Voyez-vous, les bolcheviques sont des monstres ». Heureusement, Rosa Luxembourg, elle, était opposée à la centralisation léniniste, était opposée à la politique des bolcheviques. Sauf que sur les derniers mois de la vie de Rosa Luxembourg, elle a passé la plus grande partie de son activité militante à construire une organisation qu'on peut qualifier de léniniste. Les conceptions qu'elle défend sur l'organisation du Parti communiste allemand sont relativement proches de celles qui vont être ensuite adoptées par l'Internationale communiste. Et ça, eh bien, c'est parce que Rosa Luxembourg avait aussi tiré les leçons de la Révolution russe et surtout des premiers mois de la Révolution allemande. Encore, renvoie à Eric demain. Mais elle n'est pas la seule à avoir tiré les leçons de la Révolution russe. Les réformistes aussi ont tiré les leçons de ces premiers mois de Révolution allemande et de l'expérience russe. Et une des leçons qu'ils ont tirées, c'est qu'il faut agir le plus vite possible, ne pas laisser la situation traîner et essayer en fait d'étouffer la Révolution dès que l'occasion se présente. Et confronté à l'impossibilité de compter sur l'armée régulière pour faire cela, puisque pendant toute la période de novembre et décembre, l'état-major allemand essaye à intervalles réguliers, une fois par semaine environ, d'envoyer une division de troupes solides, motivées, disciplinées, fraîches, etc., composées de paysans de Prusse orientale relativement analphabètes, d'envoyer tout ça à Berlin, disant « Avec ça, on va écraser les ouvriers de Berlin, vous verrez, ça va bien se passer ». Soumis à la propagande intensive des militants révolutionnaires, des ouvriers de la capitale, ces unités disciplinées solides se désintégraient, en fait. Et au bout de quelques jours, les officiers étaient obligés de les sortir de la capitale pour éviter que les officiers ne se mutinent à leur tour, que les soldats ne se mutinent à leur tour. Donc face à cette impossibilité de compter sur l'armée régulière, c'est le gouvernement social-démocrate et notamment le ministre Noske, qui prend l'initiative de former des corps francs, donc les Freikorps, qui sont en fait des groupes armés de volontaires, officiers, sous-officiers, volontaires civils, politiquement motivés, des monarchistes, des nationalistes, etc., spécialement équipés et entraînés pour le combat de rue, pour la contre-insurrection, et qui sont conçus dès le début comme une arme de lutte contre-révolutionnaire, et qui sont organisés à l'initiative et dont l'organisation est supervisée par un ministre social-démocrate. Et c'est de là, j'avance un peu dans le temps, mais c'est de ces corps francs que sortiront la quasi-totalité des chefs du fascisme allemand et du nazisme. Hitler, Himmler, Göring, Erhard, tous ces gens sont passés par les corps francs de 1918-1923. Tous ces gens ont eu leur formation fasciste dans ces organisations à ce moment-là. Ok. On va 5 minutes de plus. Non, 5 minutes. Je te crois pas, mais... Et donc, dès ce moment-là, la direction du Parti social-démocrate multiplie les provocations contre l'avant-garde, contre la révolution. Le Vorwärts, en décembre et janvier 1919, publie des appels explicites au meurtre de Liebknecht et de Luxembourg, et le fait régulièrement, et dénonce en fait les spartakistes comme des assassins, comme des voleurs, comme des appels explicitement en fait à l'écrasement physique des révolutionnaires. Et début janvier 1919, le préfet de police de Berlin, Eichhorn, qui était un membre de l'aile gauche de l'USPD, est limogé par Ebert au prétexte que sa police aurait plus protégé les révolutionnaires que protégé l'ordre public, en partie vrai, mais Eichhorn refuse de se démettre et appelle en fait à la mobilisation pour défendre ce qui est clairement une offensive contre la révolution. Et le KPD, donc le Parti communiste et le Parti social-démocrate indépendant, appelle à des manifestations en soutien de Eichhorn. Et ces manifestations sont un succès énorme. C'est des dizaines de milliers, des centaines de milliers de manifestants qui déferlent dans les rues de Berlin. Et les premiers surpris sont les organisateurs même, en fait, de la manifestation. Ils n'attendaient pas à quelque chose de cet ordre-là. Et qui sont complètement paniqués. Ils ne savent pas quoi faire. Et qui passent près d'une journée à décider de la suite à donner à ces événements, à ces mobilisations. Et au bout d'une journée de tergiversations, les délégués des principales organisations se rallient au mot d'ordre de l'insurrection contre le gouvernement social-démocrate et annoncent le renversement de Ebert et la constitution d'un gouvernement d'union ouvrière entre l'USPD et le Parti communiste. Et Karl Liebknecht, qui participait aux discussions pour le Parti communiste, se rallie à cette... approuve cela, en fait le fait en son nom propre. Il a consulté personne, notamment pas la direction du Parti communiste, et l'insurrection, en fait, est proclamée. Et là encore, c'est une erreur gauchiste énorme, puisque, en fait, ce qui se passait à ce moment-là avec ces manifestations, c'est un processus qu'on retrouve dans toutes les révolutions. C'est la même chose qui s'est passée en Russie en juillet 1917, c'est la même chose qui s'est passée avec l'insurrection de novembre pendant la Commune de Paris, c'est la même chose qui s'est passée, en fait, dans toutes les grandes révolutions de l'histoire, c'est-à-dire ce moment où l'avant-garde, la partie la plus consciente des masses, se rend compte que le gouvernement réformiste qui a pris le pouvoir, eh bien là en novembre, en Russie en février, ne résout pas les problèmes qui étaient posés par l'ancien régime, et donc qu'il faudrait se mobiliser, comme il s'est mobilisé dans la première phase de la révolution, le chasser et mettre un autre gouvernement. Mais à ce moment-là, c'est encore l'avant-garde, c'est encore une minorité qui est arrivée à cette conclusion. Et dans ce cas-là, la tâche d'un parti révolutionnaire, c'est de faire ce qu'ont fait les bolcheviks en Russie en juillet 17, c'est-à-dire c'est de canaliser le mouvement, c'est de le calmer en quelque sorte, d'expliquer à l'avant-garde qu'elle est isolée, que les masses, que la majorité de la classe ouvrière n'est pas encore arrivée à ses conclusions, et qu'il faut justement gagner la majorité, attendre que la majorité soit gagnée à ses conclusions, pour éviter une deuxième Commune de Paris en fait, pour éviter que l'avant-garde isolée ne parte à l'assaut seule et ne soit massacrée seule, en laissant derrière elle la majorité des masses. Et clairement, à ce moment-là, le gouvernement social-démocrate saisit l'occasion de cet assaut révolutionnaire, en fait, isolé, qui se limite en fait à Berlin et envoie les corps francs sur la capitale. Quelques jours de combat. La majorité, enfin une bonne partie des dirigeants révolutionnaires sont assassinés, ainsi qu'une bonne partie en fait des cadres du Parti communiste et de la gauche de l'USPD. Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg sont arrêtés et assassinés pendant leur transfert par des militants sociaux, par des militants des Freikorps, protégés par le gouvernement social-démocrate. Et quelques semaines après, une nouvelle provocation débouche sur un nouvel assaut révolutionnaire isolé des travailleurs de Berlin. Cette fois-ci, ce qu'on appelle la semaine sanglante, au début de mars 1919, c'est plus d'un millier de morts, et c'est les derniers chefs survivants importants du KPDS, notamment Leo Jogiches, qui sont exécutés. Le KPD est complètement décapité par la répression suite à ces deux tentatives d'offensive révolutionnaire. Et nickel. Les Freikorps s'attaquent ensuite, un par un, l'un après l'autre, à tous les foyers révolutionnaires importants. La Ruhr est reprise à ce moment-là, nettoyée de ses révolutionnaires. Munich, la Bavière, quand on y pense aujourd'hui, la Bavière était à l'époque un foyer d'insurrection révolutionnaire et un des points les plus à gauche du mouvement ouvrier allemand. Quand on y pense aujourd'hui, c'est assez impressionnant, mais c'était le cas à l'époque. Et il est nettoyé par le fer et le sang en mars et avril 1919. Et il restera, ensuite, pendant toute la durée de la révolution allemande, un bastion de la contre-révolution. Et ceci étant posé, la bourgeoisie allemande se dit que justement, les révolutionnaires étant écrasés, le gouvernement SPD ayant aidé à rétablir l'ordre et à nettoyer en quelque sorte le mouvement ouvrier, l'aile droite, on pourrait dire, de la bourgeoisie se dit qu'il est peut-être temps de se passer de ce ministère social-démocrate, qui n'est pas très fiable, après tout, puisque ça reste des ouvriers, ça reste des sociaux-démocrates, etc. Et donc, qu'il serait peut-être temps de reprendre directement le contrôle de la situation. Et c'est ce qu'il va essayer d'être, c'est ce qu'ils vont essayer de faire en mars 1920, avec le putsch de Kapp, qui est un des événements les plus marquants en fait, de la Révolution allemande. Kapp, c'est un industriel de droite, classique, conservateur, qui s'allie avec l'aile droite de l'armée, avec les corps francs, avec une bonne partie des partis conservateurs, et qui, au début de mars, renverse le gouvernement, sort ses troupes dans la rue et le gouvernement s'enfuit. L'armée régulière refuse de bouger le petit doigt et proclame sa neutralité entre le gouvernement et les putschistes. Et très vite, le gouvernement n'a plus de contrôle sur aucun des événements. Là encore, le Parti communiste tombe dans une erreur gauchiste typique en proclamant que dans la lutte entre le bourgeois Kapp et entre l'allié des bourgeois Ebert, le Parti communiste n'a rien à dire. Et que c'est une lutte entre ennemis, et donc il n'a pas, pour lui, il n'a pas à choisir de camp, il n'a rien à faire. Et ça désintéresse de la question. C'est un peu comme si, en août 1917, les bolcheviks avaient dit entre Kerensky et Kornilov, ça ne nous concerne pas qu'ils s'entretuent. Mais ça revient à oublier que si Kornilov avait gagné en août 1917, il n'aurait pas juste chassé Kerensky. Il aurait chassé Kerensky et pendu l'intégralité des socialistes de Pétrograd, qu'ils soient bolcheviques, mencheviques, socialistes révolutionnaires ou autres. Si Kapp avait pu mettre en place un régime solide en Allemagne, il ne se serait pas contenté de chasser Ebert et les quelques réformistes qui grenouillaient dans les ministères. Il aurait aussi pendu ou fusillé la quasi-totalité des militants du mouvement ouvrier allemand. Ça aurait été en fait l'instauration d'un régime fasciste 13 ans avant Hitler en Allemagne. Et c'est ça la réalité. Mais... Et là aussi, c'est la preuve que les événements peuvent surprendre même les révolutionnaires les plus avancés. C'est l'homme qui était probablement le plus à droite de tout le mouvement syndical allemand, Legien, qui lance un appel à la grève générale pour lutter contre le putsch. Parce qu'en bon réformiste, en réformiste malin, il comprend qu'il ne pourra pas s'arranger avec Kapp et ses fascistes, et que s'ils arrivent au pouvoir, même lui, en tant que bon allié réformiste de la bourgeoisie, sera en danger. Et donc, il lance un appel à la grève générale, qui est repris, en fait, malgré les appels du Parti communiste, par la quasi-totalité du mouvement ouvrier allemand. En 24 heures, le pays est paralysé. Le gouvernement putschiste n'arrive plus à faire passer aucune consigne. Dans certaines régions, la grève générale se transforme même en insurrection révolutionnaire contre les putschistes et le gouvernement de Ebert. C'est le cas dans la Ruhr, notamment, où les grévistes organisent même une armée rouge de la Ruhr qui va chasser le gouvernement pendant quelques mois. Et le putsch est liquidé en fait par la grève générale. Au bout de quelques jours, 4 jours, c'est Cap lui-même qui négocie sa reddition avec le gouvernement Ebert et qui, le gouvernement Ebert, accepte à condition que les putschistes se rallient au gouvernement pour écraser et mettre fin à la grève générale et aux insurrections là où elles ont pris le pouvoir. C'est ce qui va être fait et les corps francs putschistes vont pouvoir ensuite être envoyés, soutenus par l'armée régulière qui sort de sa neutralité à ce moment-là, pour aller écraser l'armée rouge de la Roure. Et cet épisode a eu un impact immense dans le Parti communiste, où l'erreur gauchiste du début du putsch a permis à la direction du parti de mettre en minorité en quelque sorte les gauchistes et de les exclure de façon relativement bureaucratique, mais j'ai pas le temps de développer pour régler la question, on va dire, gauchiste de cette façon. Mais il a eu un impact surtout dans l'USPD, dans le Parti social-démocrate indépendant, où la grève générale, l'insurrection et la lutte révolutionnaire en fait contre le putsch a débouché et a accéléré l'éclosion d'une tendance de gauche, de masse, qui s'oriente clairement vers la politique révolutionnaire et qui demande même officiellement, à l'été 1920, devenu majoritaire dans le parti, qui demande même son adhésion à l'Internationale communiste. Donc l'Internationale communiste se retrouve à ce moment-là avec une situation assez originale d'un parti communiste qui est officiellement membre de l'Internationale mais qui est minuscule, et d'un parti de masse qui vient de rompre officiellement avec le réformisme et qui demande son adhésion à l'Internationale. La solution retenue est celle de la fusion. Le Parti social-démocrate indépendant scissionne de son aile droite, Kautsky, Bernstein, etc., qui vont rejoindre le SPD, et fusionne avec le Parti communiste issu de Spartacus, et qui crée donc le Parti communiste unifié, le VKPD, en décembre 1920. Pour la première fois, le Parti communiste, en Allemagne, est un parti de masse, près de 300 000 adhérents, avec une véritable prise dans la classe ouvrière, avec en plus une dynamique montante qui est en train d'en faire à ce moment-là le premier parti ouvrier du pays, aussi bien en termes d'adhérents qu'en termes électoraux. Et malgré tout, et là je m'arrête là, les problèmes de la période précédente, l'absence d'une organisation de cadre forgée à l'action, l'absence d'une direction expérimentée, va empêcher même ce parti de prendre le pouvoir et de mener à bien la révolution. Je m'arrête là, sur la fondation d'un parti communiste de masse, pour deux raisons. La première, c'est que je manque de temps. Et la deuxième, c'est qu'en réalité, la suite des événements a plus à voir avec les débuts de la dégénérescence de l'international communiste et le poids du stalinisme dans l'international, le poids des erreurs de l'international communiste sur la politique allemande, qu'avec les erreurs propres de la direction de du parti allemand. Pour conclure, et ce sera mes derniers mots, s'il y avait quelques leçons à tirer de cette expérience, la plus évidente est que l'absence d'un parti, d'une organisation en fait, pas forcément un parti indépendant coupé de toutes les autres organisations, mais l'absence d'une organisation révolutionnaire a pesé sur tous les événements, à toutes les étapes en fait, de cette révolution. Et la révolution allemande nous montre que c'est quelque chose qui ne peut pas être forgé, une organisation révolutionnaire qui ne peut pas être forgée dans le feu de la révolution. Puisque au moment où ils auraient dû être en train de conquérir les masses, au moment de convaincre la majorité des travailleurs de la nécessité d'un programme révolutionnaire, les communistes allemands étaient encore en train de forger leur propre cadre, tout en étant confrontés en même temps aux demandes, à la nécessité de toucher quand même les masses. Et ça, ça a débouché sur des erreurs à répétition, notamment en matière de tactique, que ce soit sur le putsch de Cap. L'attitude vis-à-vis de l'USPD aussi est une succession d'erreurs tactiques de la part du mouvement spartakiste. Et ça montre bien l'importance de l'organisation révolutionnaire. Une autre erreur, une autre leçon très vite en passant, c'est que la révolution allemande nous montre aussi qu'il ne faut jamais annoncer prématurément la mort ou la déchéance finale d'une organisation réformiste. Vous trouverez difficile d'imaginer une organisation plus compromise dans le sang de la classe ouvrière que le Parti social-démocrate allemand de 1918. Et pourtant, c'est ce parti-là qui attire à lui, qui arrive à gagner à lui la majorité des travailleurs lorsque la révolution arrive. Et il faut toujours se rappeler que ce qui est compris et intégré par l'avant-garde, par les marxistes, ne l'est pas forcément par les masses. Et c'est ça aussi qu'il faut arriver à garder à l'esprit. C'est qu'il faut arriver, nous, à garder les idées claires, tout en nous rappelant que ces idées ne sont pas forcément comprises maintenant par tout le monde. Ces leçons, elles ont été très chèrement payées il y a un siècle par les révolutionnaires allemands et par en fait l'intégralité du prolétariat mondial. Et ne tient qu'à nous aujourd'hui de faire qu'elles n'aient pas été payées en vain et que ces leçons soient aujourd'hui appliquées et que les prochaines révolutions nous voient réellement permettre à la classe ouvrière de prendre le pouvoir. Merci. Thank you.